je m'ennuie les jours de pluie. Ça s'appelle, je crois, je sais plus comment. Quand tout est gris, je prends ma batte favorite. Et puis je nique des nains, car je suis allergique. Blocos 61.